Cette réponse définitive était vraiment digne de lui. Pour la troisième fois, ce chrétien d'un autre âge permettait qu'une des filles adoptives de son cœur allât s'ensevelir loin du monde. Ma tante aussi fut admirable de tendresse et de prudence. Je ne me souviens pas que pendant mon épreuve, elle médite un mot qui put l'augmenter. Je voyais qu'elle avait grand pitié de sa pauvre petite Thérèse. Aussi, lorsque j'eus obtenu le consentement de mon cher oncle, elle me donna le sien, mais non sans me prouver de mille manières que mon départ lui causerait du chagrin. Hélas, nos chers parents étaient loin de s'attendre alors qu'il leur faudrait renouveler deux fois encore le même sacrifice. Mais en tendant la main pour demander toujours, le bon Dieu ne la présenta pas vide. Ses amis les plus chers purent y puiser abondamment la force et le courage qui leur étaient si nécessaires. Mais mon cœur m'emporte bien loin de mon sujet, j'y retourne presque à regret. Après la réponse de mon oncle, vous comprenez, ma mère, avec quelle allégresse je repris le chemin des buissonnets sous le beau ciel, dont les nuages s'étaient entièrement dissipés. Dans mon âme aussi, la nuit avait cessé. Jésus, en se réveillant, m'avait rendu la joie. Le bruit des vagues s'était apaisé. Au lieu du vent de l'épreuve, une brise légère enflait ma voile, et je croyais arriver bientôt sur le rivage béni que j'apercevais tout près de moi. Il était en effet bien près de ma nacelle. Mais plus d'un orage devait encore s'élever, et, lui dérobant la vue de son phare lumineux, lui faire craindre de s'être éloigné sans retour de la plage si ardemment désirée. Peu de jours après avoir obtenu le consentement de mon oncle, j'allai vous voir, ma mère chérie, et je vous dis ma joie de ce que toutes mes épreuves étaient passées. Mais quelle ne fut pas ma surprise et mon chagrin en vous entendant me dire que monsieur le supérieur ne consentait pas à mon entrée avant l'âge de 21 ans. Personne n'avait pensé à cette opposition la plus invincible de toutes. Cependant, sans perdre courage, j'allai moi-même avec papa et Céline chez notre père afin d'essayer de le toucher en lui montrant que j'avais bien la vocation du Carmel. Il nous reçut très froidement. Mon incomparable petit père eut beau joindre ses instances aux miennes, rien ne put changer sa disposition. Il me dit qu'il n'y avait pas de péril à la demeure, que je pouvais mener une vie de carmélite à la maison, que si je ne prenais pas la discipline, tout ne serait pas perdu, etc., etc. Enfin, il finit par ajouter qu'il n'était que le délégué de Monseigneur et que s'il voulait me permettre d'entrer au Carmel, lui n'aurait plus rien à dire. Je sortis, tout en larmes du presbytère. Heureusement, j'étais cachée par mon parapluie, car la pluie tombait par torrents. Papa ne savait comment me consoler. Il me promit de me conduire à Bayeux, aussitôt que j'en témoignais le désir, car j'étais résolue d'arriver à mes fins. Je dis même que j'irais jusqu'au Saint-Père si Monseigneur ne voulait pas me permettre d'entrer au Carmel à 15 ans. Bien des événements se passèrent avant mon voyage à Bayeux. À l'extérieur, ma vie paraissait la même. J'étudiais, je prenais des leçons de dessin avec Céline, et mon habile maîtresse trouvait en moi beaucoup de disposition à son art. Surtout, je grandissais dans l'amour du bon Dieu. Je sentais en mon cœur des élans inconnus jusqu'alors. Parfois, j'avais de véritables transports d'amour. Un soir, ne sachant comment dire à Jésus que je l'aimais et combien je désirais qu'il soit partout aimé et glorifié, je pensais avec douleur qu'il ne pourrait jamais recevoir de l'enfer un seul acte d'amour. Alors je dis au bon Dieu que pour lui faire plaisir, je consentirais bien à m'y voir plonger, afin qu'il soit aimé éternellement dans ce lieu de blasphème. Je savais que cela ne pouvait pas le glorifier puisqu'il ne désire que notre bonheur. Mais quand on aime, on éprouve le besoin de dire mille folies. Si je parlais de la sorte, ce n'était pas que le ciel n'excitât mon envie, mais alors mon ciel à moi n'était autre que l'amour, et je sentais comme saint Paul que rien ne pourrait me détacher de l'objet divin qui m'avait ravi. Avant de quitter le monde, le bon Dieu me donna la consolation de contempler de près des âmes d'enfants. Étant la plus petite de la famille, je n'avais jamais eu ce bonheur. Voici les tristes circonstances qui me le procurèrent. Une pauvre femme, parente de notre bonne, mourut à la fleur de l'âge, laissant trois enfants tout petits. Pendant sa maladie, nous prîmes à la maison les deux petites filles, dont l'aînée n'avait pas 6 ans. Je m'en occupais toute la journée, et c'était un grand plaisir pour moi de voir avec quelle candeur elles croyaient tout ce que je leur disais. Il faut que le saint baptême dépose dans les âmes un germe bien profond, des vertus théologales, puisque dès l'enfance elles se montrent déjà, et que l'espérance de bien futur suffit pour faire accepter des sacrifices. Lorsque je voulais voir mes deux petites filles bien conciliantes l'une pour l'autre, au lieu de promettre des jouets et des bonbons à celle qui céderait à sa sœur, je leur parlais des récompenses éternelles que le petit Jésus donnerait dans le ciel aux petits enfants sages. L'aîné, dont la raison commençait à se développer, me regardait avec des yeux brillants de joie, me faisait mille questions charmantes sur le petit Jésus et son beau ciel, et me promettait avec enthousiasme de toujours céder à sa sœur. Elle disait que jamais de sa vie elle n'oublierait ce que lui avait dit la grande demoiselle, car c'est ainsi qu'elle m'appelait. En voyant de près ces âmes innocentes, j'ai compris quel malheur c'était de ne pas bien les former dès leur éveil, alors qu'elles ressemblent à une cire molle sur laquelle on peut déposer l'empreinte des vertus, mais aussi celle du mal. J'ai compris ce qu'a dit Jésus en l'Évangile, qu'il vaudrait mieux être jeté à la mer que de scandaliser un seul de ses petits-enfants. Ah, que d'âmes arriveraient à la sainteté si elles étaient bien dirigées. Je le sais, le bon Dieu n'a besoin de personne pour faire son œuvre. Mais de même qu'il permet à un habile jardinier d'élever des plantes rares et délicates, et qu'il lui donne pour cela la science nécessaire, se réservant pour lui-même le soin de féconder, ainsi Jésus veut être aidé dans sa divine culture des âmes. Qu'arriverait-il si un jardinier maladroit ne greffait pas bien ses arbustes, s'il ne savait pas reconnaître la nature de chacun et voulait faire éclore des roses sur un pêcher? Il ferait mourir l'arbre qui cependant était bon et capable de produire des fruits. C'est ainsi qu'il faut savoir reconnaître dès l'enfant ce que le bon Dieu demande aux âmes et seconder l'action de sa grâce sans jamais la devancer ni la ralentir. Comme les petits oiseaux apprennent à chanter en écoutant leurs parents, de même les enfants apprennent la science des vertus, le chant sublime de l'amour divin, auprès des âmes chargées de les former à la vie. Je me souviens que parmi mes oiseaux, j'avais un serin qui chantait à ravir. J'avais aussi un petit lino auquel je prodiguais des soins maternels, l'ayant adopté avant qu'il ait pu jouir du bonheur de sa liberté. Ce pauvre petit prisonnier n'avait pas de parents pour lui apprendre à chanter. Mais, entendant du matin au soir son compagnon le serin faire de joyeuses roulades, il voulut l'imiter. Cette entreprise était difficile pour un lino. Aussi sa douce voix eut-elle bien de la peine à s'accorder avec la voix vibrante de son maître en musique. C'était charmant de voir les efforts du pauvre petit. Mais ils furent enfin couronnés de succès, car son chant, tout en conservant une bien plus grande douceur, fut absolument le même que celui du serin. « Oh, ma mère chérie, c'est vous qui m'avez appris à chanter. C'est votre voix qui m'a charmée dès l'enfance. Et maintenant j'ai la consolation d'entendre dire que je vous ressemble. Je sais combien j'en suis encore loin. » Mais j'espère, malgré ma faiblesse, redire éternellement le même cantique que vous. Avant mon entrée au Carmel, je fis encore bien des expériences sur la vie et les misères du monde, mais ces détails m'entraîneraient trop loin. Je vais reprendre le récit de ma vocation. Le 31 octobre fut le jour fixé pour mon voyage à Bayeux. Je partis seule avec papa, le cœur rempli d'espérance, mais aussi bien émue par la pensée de me présenter à l'évêché. Pour la première fois de ma vie, je devais aller faire une visite sans être accompagnée de mes sœurs, et cette visite était à un évêque. Moi qui n'avais jamais besoin de parler que pour répondre aux questions que l'on m'adressait, je devais expliquer moi-même le but de ma visite, développer les raisons qui me faisaient solliciter l'entrée du Carmel. En un mot, je devais montrer la solidité de ma vocation. Ah, qu'il m'en a coûté de faire ce voyage! Il a fallu que le bon Dieu m'accorde une grâce toute spéciale pour que j'aie pu surmonter ma grande timidité. Il est aussi bien vrai que jamais l'amour ne trouve d'impossibilité, parce qu'il se croit tout possible et tout permis. C'était vraiment le seul amour de Jésus qui pouvait me faire surmonter ces difficultés et celles qui suivirent, car il se plut à me faire acheter ma vocation par de bien grandes épreuves. Aujourd'hui que je jouis de la solitude du Carmel, me reposant à l'ombre de celui que j'ai si ardemment désiré, je trouve avoir acheté mon bonheur à bien peu de frais, et je serais prête à supporter de bien plus grandes peines pour l'acquérir si je ne l'avais pas encore. Il pleuvait à verse quand nous arrivâmes à Bayeux. Papa, qui ne voulait pas voir sa petite reine, entrer à l'évêché avec sa belle toilette toute trempée, la fit monter dans un omnibus et conduire à la cathédrale. Là commencèrent mes misères. Monseigneur et tout son clergé assistaient à un enterrement. L'église était remplie de dames en deuil, et j'étais regardée de tout le monde avec ma robe claire et mon chapeau blanc. J'aurais voulu sortir de l'église, mais il ne fallait pas y penser à cause de la pluie. Et pour m'humilier encore davantage, le bon Dieu permit que papa, avec sa simplicité patriarcale, me fît monter jusqu'au haut de la cathédrale. Ne voulant pas lui faire de peine, je m'exécutais de bonne grâce et procurais cette distraction aux bons habitants de Bayeux que j'aurais souhaité n'avoir jamais connue. Enfin, je pus respirer à mon aise dans une chapelle qui se trouvait derrière le maître-autel, et j'y restai longtemps, priant avec ferveur en attendant que la pluie cessât et nous permît de sortir. En redescendant, papa me fit admirer la beauté de l'édifice, qui me paraissait beaucoup plus grand étant désert. Mais une seule pensée m'occupait, et je ne pouvais prendre de plaisir à rien. Nous allâmes directement chez M. Réveroni, qui était instruit de notre arrivée, ayant lui-même fixé le jour du voyage, mais il était absent. Il nous fallut donc errer dans les rues qui me parurent bien tristes. Enfin, nous revînmes près de l'évêché, et papa me fit entrer dans un bel hôtel où je ne fis pas honneur à l'habile cuisinier. Ce pauvre petit père était d'une tendresse pour moi presque incroyable. Il me disait de ne pas me faire de chagrin, que bien sûr, Monseigneur allait m'accorder ma demande. Après nous être reposés, nous retournâmes chez Monseigneur et Véronie. Un monsieur arriva en même temps, mais le grand vicaire lui demanda poliment d'attendre et nous fit entrer les premiers dans son cabinet. Le pauvre monsieur eut le temps de s'ennuyer car la visite fut longue. Monsieur et Véronie se montra très aimable, mais je crois que le motif de notre voyage l'étonna beaucoup. Après m'avoir regardé en souriant et adressé quelques questions, il nous dit « Je vais vous présenter à Monseigneur. Voulez-vous avoir la bonté de me suivre ?» Voyant des larmes perler dans mes yeux, il ajouta « Ah, je vois des diamants. Ils ne font pas les montrer à Monseigneur. » Il nous fit traverser plusieurs pièces très vastes, garnies de portraits d'évêques. En me voyant dans ces grands salons, je me faisais l'effet d'une pauvre petite fourmi et je me demandais ce que j'allais oser dire à Monseigneur. Il se promenait entre deux prêtres sur une galerie. Je vis Monseigneur Réveroni lui dire quelques mots et revenir avec lui. Nous l'attendions dans son cabinet. Là, trois énormes fauteuils étaient placés devant la cheminée où pétillait un feu ardent. En voyant entrer sa grandeur, papa se mit à genoux à côté de moi pour recevoir sa bénédiction. Puis Monseigneur fit placer papa dans un des fauteuils, se mit en face de lui, et Monsieur Réveroni voulut me faire prendre celui du milieu. Je refusai poliment, mais il insista, me disant de montrer si j'étais capable d'obéir. Aussitôt, je m'assis sans faire de réflexion et j'eus la confusion de le voir prendre une chaise, pendant que moi j'étais enfoncé dans un fauteuil où quatre comme moi auraient été à l'aise, plus à l'aise que moi, car j'étais loin d'y être. J'espérais que papa allait parler, mais il me dit d'expliquer moi-même à Monseigneur le but de notre visite. Je le fis le plus éloquemment possible. Sa grandeur habituée à l'éloquence ne parut pas très touchée de mes raisons. Au lieu d'elle, un mot de Monsieur le supérieur m'eût plus servi. Malheureusement, je n'en avais pas et son opposition ne plaidait aucunement en ma faveur. Monseigneur me demanda s'il y avait longtemps que je désirais entrer au Carmel. « Oh oui, Monseigneur, bien longtemps. Voyons, reprit en riant Monsieur Réveroni. Vous ne pouvez toujours pas dire qu'il y a 15 ans que vous avez ce désir. » C'est vrai, repris-je en souriant aussi. Mais il y a beaucoup d'années à retrancher, car j'ai désiré me faire religieuse dès l'éveil de ma raison, et j'ai désiré le Carmel aussitôt que je l'ai bien connu, parce que dans cet ordre, je trouvais que toutes les aspirations de mon âme seraient remplies. Je ne sais pas, ma mère, si ce sont tout à fait mes paroles. Je crois que c'était encore plus mal tourné, mais enfin, c'est le sens. Monseigneur, croyant être agréable à papa, essaya de me faire rester encore quelques années auprès de lui. Aussi ne fut-il pas peu surpris et édifié de le voir prendre mon parti, intercédant pour que j'obtienne la permission de m'envoler à 15 ans. Cependant, tout fut inutile. Il dit qu'avant de se décider, un entretien avec le supérieur du Carmel était indispensable. Je ne pouvais rien entendre qui me fît plus de peine, car je connaissais l'opposition formelle de notre père. Aussi, sans tenir compte de la recommandation de M. Réveroni, je fis plus que montrer des diamants à Monseigneur, je lui en donnai. Je vis bien qu'il était touché. Me prenant par le cou, il appuyait ma tête sur son épaule et me faisait des caresses, comme jamais, paraît-il, personne n'en avait reçu de lui. Il me dit que tout n'était pas perdu, qu'il était bien content que je fasse le voyage de Rome afin d'affermir ma vocation, et qu'au lieu de pleurer, je devais me réjouir. Il ajouta que la semaine suivante, devant aller à Lisieux, il parlerait de moi à Monsieur le curé de Saint-Jacques, et que certainement je recevrais sa réponse en Italie. Je compris qu'il était inutile de faire de nouvelles instances. D'ailleurs, je n'avais plus rien à dire, ayant épuisé toutes les ressources de mon éloquence. Monseigneur nous reconduisit jusqu'au jardin. Papa l'amusa beaucoup, en lui disant qu'afin de paraître plus âgé, je m'étais fait relever les cheveux. Ceci ne fut pas perdu, car Monseigneur ne parle pas de sa petite fille sans raconter l'histoire des cheveux. Monsieur Réveroni voulut nous accompagner jusqu'au bout du jardin de l'évêché. Il dit à papa que jamais chose pareille ne s'était vue. Un père aussi empressé de donner son enfant au bon Dieu que cet enfant de s'offrir elle-même. Papa lui demanda plusieurs explications sur le pèlerinage, entre autres comment il fallait s'habiller pour paraître devant le Saint-Père. Je le vois encore se tourner devant Monsieur Réveroni en lui disant « Suis-je assez bien comme cela ?» Il avait aussi dit à Monseigneur que s'il ne me permettait pas d'entrer au Carmel, je demanderais cette grâce au souverain pontife. Il était bien simple dans ses paroles et ses manières, mon roi chéri, mais il était si beau. Il avait une distinction toute naturelle qui dut plaire beaucoup à Monseigneur. Habitué à se voir entouré de personnages, connaissant toutes les règles de l'étiquette des salons, mais non pas le roi de France et de Navarre, en personne avec sa petite reine. Quand je fus dans la rue, mes larmes recommencèrent à couler, non pas tant à cause de mon chagrin qu'en voyant mon petit père chéri qui venait de faire un voyage inutile. Lui qui se faisait une fête d'envoyer une dépêche au Carmel annonçant l'heureuse réponse de mon Seigneur était obligé de revenir sans en avoir aucune. Ah, que j'avais de peine! Il me semblait que mon avenir était brisé pour jamais. Plus j'approchais du terme, plus je voyais mes affaires s'embrouiller. Mon âme était plongée dans l'amertume, mais aussi dans la paix, car je ne cherchais que la volonté du bon Dieu.